Mode confort dans le merco, y'a pas le feu au lac. Milliers d'euros perdus, c'est quelques grains tombés du sac. Oui, les faux frères sont des vampires, je leur enfonce un pied. On est tellement petit face à l'énorme cœur de Dieu. La vie dépend des saisons, tire. Ne pas fumer, donne-moi une raison, tire. J'suis descendu, j'veux que remonter. J'veux tout car choisir, c'est renoncer. Inutile de chercher trop loin. Ma liberté se trouve dans mon joint. De toi et de mon âme, j'prends soin. Panthère noire, j'lève le poing. Africain, j'suis sauvage. J'maîtrise les dosages. Je parcours cette life à travers la nature sans âge. Ça n'a rien à voir. Les autres et nous. Tu dois me croire. C'est eux les fous. Les autres et nous, ça n'a rien à voir. Ils trahiront pour résoudre. Tu dois me croire. Le pouvoir de l'amour face à l'amour du pouvoir. Fait qu'ils ont le cœur noir comme des marchands d'ivoire. Mon caractère est bien trempé. Dans les tranchées comme Lucien Sampé. Je préfère mourir que de ramper. Y'aura jamais de repos sans paix. Donc j'ouvre une bouteille de sirop, pétasse à ma table. Sirop, je supprime les obstacles. Regarde le spectacle, reste dans l'habitacle. Je ne m'en fais pas pour eux, ils ne s'en feront pas pour moi. Attends, faut que je déroule ma queue. Tu me connais, je suis courtois. Ils parlent de nous dans les trafics. Y'a nos blazes à la balistique. Automatique dans le catmatique. Que sais-tu, je maîtrise la pratique. Ça n'a rien à voir. Les autres et nous. Tu dois me croire. C'est eux les fous. Mais les autres et nous. Ça n'a rien à voir. Trahiront pour résoudre, tu dois me croire. Le pouvoir de l'amour face à l'amour du pouvoir. Fait qu'ils ont le cœur mort comme des marchands d'ivoire. Et les autres et nous, ça n'a rien à voir. Ils trahiront pour résoudre, tu dois me croire. Le pouvoir de l'amour face à l'amour du pouvoir. Fait qu'ils ont le cœur mort comme des marchands d'ivoire.